ce n'est pas un monde d'hommes, puisqu'aujourd'hui, aux Archéologues du Rock, nous parlons de... Des femmes dans le rock, première partie! Alors bonjour chers auditeurs et bonjour Hélène. Salut. Bienvenue au deuxième épisode des Archéologues du Rock. Bienvenue à toi aussi. Merci beaucoup. De quoi on parle aujourd'hui Hélène? Aujourd'hui on aborde l'épineux dossier des femmes dans le rock. En fait même on introduit ce dossier-là puisque selon nous-mêmes il va y avoir plusieurs autres parties. On a eu de la difficulté à contenir tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. C'est vraiment important de dire tout d'abord, qu'un disclaimer général. On ne marche même pas sur des œufs aujourd'hui, on marche sur de la dynamite. C'est un sujet qui est vraiment très explosif, controversé aussi à quelque part. On va faire du mieux qu'on peut avec les connaissances qu'on a et les positions qu'on a, car vous avez vraiment remarqué qu'on est deux filles. En effet, oui. Jusqu'à preuve du contraire, on est effectivement deux filles. J'en profite pour dire que j'ai été étonnée parce qu'au cours de mes recherches, je dois dire que j'aurais aimé éviter de prendre la tangente féministe de la question, si on veut, mais que j'ai été obligée de constater que c'était inévitable à cause du traitement qu'on fait des femmes dans le rock, dans les médias, depuis toujours. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Moi, c'est une tangente que je voulais prendre avec... moi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur l'air guitar. En fait, c'est le gender... Dans l'air guitare, les féminités, les masculinités, puis c'est là que j'ai eu mon éveil féministe dans le rock. Et dans ma thèse sur Motley Crue, il y a deux chapitres carrément là-dessus, parce qu'il y avait trop de choses à dire, je suis comme au-delà de 75 pages. Là. Oh, OK. Donc, c'est une de mes forces dans l'étude de la musique populaire. Et oui, je voulais prendre une tangente féministe, fait qu'on a un peu des deux aujourd'hui. Alors, on va commencer ça tout de suite avec un montage, puisque pourquoi pas en faire une marque de commerce. En fait, ce sera à vous de nous le dire sur nos pages. Tiens, est-ce qu'on fait des montages musicaux un classique dans nos débuts d'épisodes? Qu'en dites-vous? Alors, montage. Donc, Caro, tu veux introduire l'émission d'aujourd'hui par un historique un léger historique des femmes dans le rock à partir des années 20 jusqu'à aujourd'hui? Oui, alors c'est ça, je n'irai pas dans le détail, mais j'avais envie de vous parler de quelques figures très significatives des quelques dernières décennies du rock, en commençant par Bessie Smith, dont la musique a célébré la sensualité et la sexualité. Bon, on le sait, le blues était considéré comme une musique rebelle, mais Smith était particulièrement une femme qui faisait tomber des barrières et qui aimait relever le défi de ce que les femmes pouvaient ou ne pouvaient pas faire à cette époque-là, et je la trouvais très intéressante pour ça. On entend actuellement en arrière-plan une pièce de Sister Rosetta Tharpe, une vraie de vraie rockin' nun. En effet, oui. Cette femme-là m'est très, très sympathique parce que, bon, vous l'entendez actuellement jouer de la guitare. Elle a l'air d'une grand-maman, elle est toute jolie, mais elle te ramasse une guitare et te fait un de ses solos. Je la trouve très, très sympathique. Et ce qui est agréable à savoir aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons de tenir son instrument qui, aujourd'hui, sont très typiques qu'on lui doit à elle. Notamment les Beatles, dans leur façon de manipuler leur instrument, se sont beaucoup inspirés de cette femme-là. Et bon, là, on parle des années 20-30, mais si on se dirige dans les années 40 et 50, on a eu notamment Etta James, Ruth Brown, qui est arrivée avec l'intensité de l'Église, mais qui l'a appliquée au rhythm and blues, qui, lui, à cette époque-là, commençait tranquillement pas vite sa transformation vers le rock'n'roll tel que présenté par Elvis. Ensuite de ça, on a eu Brenda Lee, Wanda Jackson, qui, encore une fois, avec Etta James, incluait des sons ou carrément des cris qui étaient carrément inhabituel à la façon de chanter de l'époque. Donc ça commençait à être plus bestial, vraiment très senti là, dans les tripes, puis c'était nouveau pour l'époque. D'ailleurs, parlant de Wanda Jackson, j'aimerais noter que, avec son espèce de petite voix éraillée, quasiment nasillarde, elle a carrément été identifiée comme étant la reine du rockabilly, et qu'elle a réussi, entre autres, à se tailler une place en tournée avec Elvis. Mon Dieu, elle a tourné avec Johnny Cash, avec Jerry Lee Lewis, entre autres, et Jean... Il y en a probablement beaucoup que je ne nomme pas. À l'époque, les tournées, c'était des shows communautaires. Il y avait comme plusieurs artistes sur un même spectacle qui faisaient la tournée exhaustive des États-Unis. Oui, puis il n'y avait pas beaucoup de femmes, hein? Non. Et Wanda Jackson est arrivée comme un seul homme. Et elle s'est taillée une place parmi ces gens-là. Alors voilà, je la trouvais bien sympathique. Et sinon, bon, sans faire le tour de chaque décennie, j'aimerais par exemple insister sur l'influence évidente que certaines de ces femmes-là ont eue dans l'univers du rock. Puis tiens, je vais te poser une question. Si tu, quand tu écoutes Robert Plant chanter ou Steven Tyler, par exemple, d'Aerosmith, spontanément, à qui tu penses? Janis Joplin. Et voilà, c'était pas une question tellement compliquée, hein? Steven Tyler l'a dit dans son autobiographie il dit « Mick Jagger était mon idole ». Puis là, quelques pages plus tard, il dit « Ah non, c'est Janis Joplin, c'est vraiment elle mon idole ». Tu vois ça? Je veux vraiment l'imiter, j'ai toujours vu l'imiter, c'est mon idole. Ça m'étonne pas du tout. Puis là, tu viens de parler de Mick Jagger. Quand on le regarde danser, Mick Jagger, à qui on pense? Tina Turner. Et voilà, c'est simple comme ça. Donc, c'est des femmes qui ont été très, très, très inspirantes à leur époque. Oui. Et qui le sont encore, absolument, à mon avis. Oui. Donc, parlant de toutes ces belles personnes... On va écouter un extrait de Ruth Brown, un extrait que tu as choisi. Oui, oui, allons-y avec ça. Ruth, qui était très... expressive. C'est intéressant de la regarder chanter. Et j'en profite aussi pour vous dire que Sister Rosetta Tharpe, qu'on vient d'entendre, est d'autant plus intéressante à entendre quand on la regarde. Alors, je vous invite à aller sur la page des archéos pour voir en lien un clip qu'on va mettre. Oui, c'est ça qu'on va mettre en lien pour vous. Alors, allons-y avec... une pièce de Ruth Brown, j'ai pas le titre devant les yeux, mais je vous reviens là-dessus au retour de la pièce. Make titre de la toune serait par hasard « Mama, he treats your daughter mean ». Hélène, je trouve que tes propos sont pleins de sens. Elle répète 50 fois à peu près. Alors, on vient d'entendre Ruth Brown. Maintenant, une bonne façon, je pense, d'illustrer le propos d'aujourd'hui serait de vous parler de la couverture satirique de l'hebdomadaire The Stranger qui est basé à Seattle. Un genre de voir à Seattle. Exact. En automne dernier, ils ont réalisé un numéro spécial « Men Who Rock » qui mettait en vedette des musiciens locaux, mais présentés comme s'ils étaient des femmes. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la page web www.thestranger.com la couverture, le... oui. On va mettre le lien sur... Ah, mais je pense que je vais mettre la photo carrément sur notre message de sur le post là, du blog. Voilà, c'est digne d'intérêt en tout cas. Donc, les questions, en général, tournent autour de leur régime de vie. Il y a constamment des remarques qui sont faites sur leur physique, leur fragilité, avec des photos suggestives un peu sexy. Bref, c'est vraiment très drôle. Comme, par exemple, une des photos des musiciens interviewés, Gareth Smith, qui fait partie du groupe Partman Part Horse, reprend la pose de Janet Jackson sur son album Janet. Donc, on le voit torse nu avec les jeans un petit peu déboutonnés et une paire de mains de femme qui lui tient... les seins. Ni plus ni moins, exactement. Puis, il se fait poser des questions comme c'est comment être un musicien dans un tel environnement masculin? Ou encore, c'est quoi ton parfum préféré? Comment un beau mec comme toi a décidé de jouer de la musique? Et finalement, en pointant du doigt ici les questions souvent idiotes, superficielles auxquelles les musiciennes doivent répondre, et l'espèce d'exclusion qui est impliquée dans une expression comme « Men who rock », les hommes qui font du rock, l'éditeur du numéro voulait certainement faire marquer et dénoncer finalement la situation des femmes dans la culture rock. Donc, on vous invite à aller jeter un œil là-dessus. En attendant que vous le fassiez, on va vous diriger vers une prochaine écoute qui va être une pièce de Annie DiFranco. La pièce s'appelle « Evolve ». Annie est une folk singer qui, à mon avis, rock énormément. Moi, je la connais pas beaucoup. Moi. Pour moi, c'est une découverte. Ah, tu vois. Moi, c'est une de mes idoles, personnellement. sa musique m'inspire beaucoup. Elle a été très, très, très prolifique. Il y avait énormément de R dans la phrase que je viens de dire. Bref, elle a produit énormément au cours de sa carrière. Je ne me souviens plus exactement du nombre d'albums qu'elle a produit, mais je pense que c'est largement au-delà de 15 albums. Et pourtant, elle est encore très jeune. Elle a commencé jeune, d'ailleurs, et c'est une self-made woman. Il faudrait lui demander qu'est-ce qui l'a motivée à devenir musicienne. En tout cas, elle avait énormément de choses à dire. Moi, je l'appelle... pour moi, c'est ce qu'on appelle une storyteller. C'est une fille qui raconte des histoires dans sa musique, et c'est ce qui me plaît, d'ailleurs, chez elle. Certains vont dire que c'est pas normal qu'elle ait encore des choses à dire après autant d'albums. Au contraire, mais non. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'elle est encore capable en masse. Et c'est une... c'est une fille qui offre des performances aussi qui sont très agréables sur scène. Donc, je vous invite à la découvrir davantage, mais avant que ce soit le cas, allons voir Evolve. Taller than me, and partly it's the boots, but mostly it's my chi, and I'm becoming transfixed with nature and my part in it, which I believe just signifies I'm finally waking up. And that moth outside my kitchen door, she's bonkers for that bear pulp, flying round in circles, bashing out in her exhaust, stalling out in the woods she navigates, fine by the moon, but get her around a light bulb and she's and she is trying to evolve. She's trying to evolve. She's trying to evolve. She's trying to evolve. Mm-hmm. Now let's get talking, reefer madness like some arrogant government can't buy. Stretch the imagination, outlaw of plenty. Yes, this supposed authority over nature is a dream. Come on, people, we've got to complain. 'Cause they are locking our sons and our daughters in cages. They are taking by the thousands our lives from under us. It's a crime. some bang for our buck, and I am trying to evolve. De Annie DiFranco. Et avant de te laisser la parole, ma chère, je me permets de vous dire que ce qui me plaît particulièrement chez cette femme-là, c'est sa façon très percussive de jouer de la guitare. J'adore ça, ça m'inspire. All right, yes. Après avoir vu, après avoir constaté qu'est-ce qu'une couverture satirique des hommes dans le rock, pourquoi ne pas confronter avec la réalité quelle est la couverture réelle des femmes dans le rock? Mm-hmm. Je suis allée repêcher dans mes archives pour aller... repêcher le numéro de décembre 2001 du magazine musical britannique Q, qui était ma bible durant les années 2000. Et dans ce numéro, il y a palmarès des 100, entre guillemets, femmes qui rock, listées selon un sondage fait auprès des lecteurs du magazine Q. Bon, il faut savoir tout d'abord, là, quand même, je mets ça au clair, que Q quand même tient souvent un ton particulièrement ironique. Qui est tant... propre aux Britanniques, si je peux me permettre. Oui, tant pour les hommes que pour les femmes. Donc, un sens de l'humour très british, très sec, mais qui casse complètement... en fait, ça casse complètement les artistes la plupart du temps. Je me rappelle d'avoir vraiment ri aux larmes à certaines descriptions de photographies. Mais néanmoins, on ne prétend pas non plus faire une comparaison particulièrement stricte ou exhaustive, mais ça peut quand même donner une idée et c'est un début de l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, tu viens d'utiliser correctement le mot « exhaustive », ce que je n'ai pas fait au premier épisode. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Eh bien, donc, première question, il y a une entrevue avec Gwen Stefani du groupe No Doubt, qui venait à l'époque de sortir un album, l'album Rocksteady, donc il y avait quelque chose à promouvoir, donc. Et Gwen Stefani, c'était la numéro 23 de ce top 100. La première question, je vais la dire en anglais parce que je n'arrive pas à la traduire, mais je vais essayer de trouver une traduction. How do you feel about being cast as Rock's Mrs. Sex? Comment tu te sens par rapport au fait que tu es la Madame Sex du rock? C'est très pertinent, ça. Deuxième question. La fameuse « What's wrong with being sexy? » Qu'est-ce qu'il y a de mal à être sexy? Ça ne finit plus. J'ai les yeux écartillés. Et oui, il y a la question, ça doit être vraiment difficile quand tu as commencé comme la seule femme dans un groupe avec trois gars. Oh oui, la pauvre elle, pas drôle. Ah non. Puis à la moitié de l'entrevue, Stéphanie dit quelque chose de très encourageant pour moi, en tout cas. Elle dit « Cette entrevue est vraiment étrange. » This is a weird interview. L'intervieweur, Ben Mitchell, ne se laisse aucunement déranger par cette question et continue de poser des questions qui n'ont aucun rapport avec la musique. En fait, la 18e question sur 22, je les ai comptées, porte sur la musique seulement. Donc, il dit « OK, là, raconte-nous ton album un petit peu ». Puis comme « Yes, enfin ». Et en fait, à la toute fin, Gwen Stefani fait un petit jab au journaliste en question. Parce qu'elle dit de manière claire « Personal questions can be irritating after you've spent a year making a record. » Or, how come you dyed your hair pink? There's always things I'd rather talk about, like the making of the music. That's the stuff that really gets me off. » Donc, traduction libre. Les questions personnelles, ça peut être super irritant quand on a passé un an à enregistrer de la musique. Comme des questions comme pourquoi j'ai les cheveux roses. Teint mes cheveux roses, ouais, c'est quelques années auparavant. J'aimerais tout le temps, je préfère tout le temps parler de la fabrication, la création de la musique. Ça m'excite. Et voilà. Elle a du caractère, cette chère Gwen Stefani. Oui. Autre exemple, ça aussi, je pense que je vais carrément la scanner puis le mettre sur le site web. La femme numéro un du rock, selon le lecteur du Q en 2001, c'était Polly Jean Harvey. PJ! Excellent choix! Félicitations, yes! Mais, attention, comment le magazine Q a décidé de la représenter sur sa page couverture? En jambes nues, talons hauts, petite bobette, et là, c'est vraiment comme un c'est triangle. C'est clairement ça, là, voilà. Noir, petite bobette noire, un T-shirt qui dit « Lick my legs ». Bonjour, sexualisation inutile. Oui, par contre, je suis obligée de dire qu'elle s'est laissée faire. Ça, c'est très possible, en effet, oui. Bien, justement, c'est une espèce de structure. On va en parler, justement, de pourquoi c'est comme ça. C'est comme le prochain bloc. Parfait. On s'en va écouter PJ Harvey avec la pièce Kamikaze. How could that happen? How could that happen again? Where the fuck was I looking when all his horses come in? And he built an army. Kamikaze. Ten thousand willing pilots flying, interfacing space and beyond. Build an army to come and find me. Malaise ou clairement inconfort à voir des hommes sexualisés et gendered. Genre, oui, genrés. Bon. En fait, il faut dire genré, mais genré. Je trouve ça tellement laid que je dis gendered. C'est bien correct. Donc, gendered, oui, dans le monde du rock. Le même traitement pour les femmes semble pas du tout évoquer de malaise. Au contraire, ça a l'air d'aller de soi. Donc, comment on peut expliquer ce deux poids, deux mesures-là et pourquoi une telle différence de traitement? Pourquoi, notamment, PJ Harvey, comme c'est, entre guillemets, laisser faire un peu? Oui. En fait, je suggère une conceptualisation, là, ouh, Charles, les gros mots, là, mais ça va bien aller. Là. Une certaine conceptualisation de la culture rock pour mieux comprendre la place des femmes dans le rock. Vous savez, c'est quoi un carnaval? Carnaval de Québec. Carnaval de Rio. Aujourd'hui, c'est un genre de festival de la joie de vivre. Pour nos parents, pour nos grands-parents, c'est un moment de festivité avant le carême, donc avant le moment de privation. Durant le Moyen Âge, le carnaval, c'était un moment de renversement de position. Le fou du roi devenait le roi, les prêtres pouvaient commettre des péchés, on célébrait ce qui devait, en temps normal, être caché. On célébrait les tabous. Mm-hmm. Donc, c'était un moment défini, temporaire dans le calendrier, où la contestation et la subversion étaient mises de l'avant. C'est un temps, finalement, où l'illégitime devenait légitime. Le concept du carnaval comme symbole d'inversion est très puissant quand on pense à certaines instances de la culture populaire aujourd'hui, comme le rock. En fait, la culture rock elle-même peut être vue comme un espace carnavalesque. En effet. L'hypersexualisation, le bruit, la rébellion, les drogues sont toutes célébrées dans la culture rock alors qu'elles sont réprimandées dans notre société. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que le rock, même s'il est carnaval, a aussi ses normes. Mm-hmm, oui. Puis une de ces normes-là, justement, c'est la masculinité. En effet. Ouais, juste quantitativement, on peut facilement le constater. Les gars sont beaucoup plus nombreux. Bon, il y a des musiciens, les journalistes, les producteurs, les gérants. Et quand il y a des femmes, elles sont traitées comme des exceptions. Parce qu'en fait... Elles sont effectivement exceptionnelles, oui. Oui, c'est ça, je te remercie. Hein. Exact. Donc, les femmes constituent cette fameuse illégitimité-là qu'il faut en temps normal réprimer. Mais une fois de temps en temps, je peux reprendre, une femme devient rock star, mm-hmm. Le carnavalesque rebondit, on la célèbre, c'est la meilleure, c'est la plus belle, elle est sexuelle, elle a un beau corps. Pendant un certain temps, celles qui sont illégitimes dans le rock, les musiciennes rock star, sont légitimes. Mais c'est seulement un moment. Il y a une inversion pour qu'on se sente repu jusqu'au prochain moment carnavalesque. Et je dirais aussi que ce moment-là de la carnavalisation, si on veut, de la musicienne rock, permet de remarquer sa sexualité pour mieux la contenir, pour mieux, justement, reconduire les normes de la sexualité masculine du rock. Mais justement, un des moyens de reconduire les normes de la sexualité masculine du rock, c'est carrément les expressions « women in rock »,« women who rock », les femmes dans le rock, les femmes qui rock. Donc, ça implique d'ores et déjà une exclusion, comme si les femmes ne pouvaient pas, en temps normal, faire du rock. En tout cas, moi, j'en connais deux qui sont tout à fait capables et on va aller les écouter dans quelques instants. Il s'agit des sœurs Anne et Nancy Wilson. Du groupe Heart. Oui, exactement, du groupe Heart. On va s'entendre sur un fait, OK. Oui, messieurs, Nancy Wilson est magnifique. Mais c'est aussi et surtout une superbement bonne guitariste. Excellent. Et on va écouter ça dans l'intro que voici. Alors, c'était Crazy on You, des sœurs Anne et Nancy Wilson, ou plutôt du groupe Heart. Oui, parce qu'il y a des gars dans Heart quand même. Oh, oui, il y a des gars dans Heart. Mais ils sont quand même à la base de la composition et de l'écriture et ainsi de suite. Et je me permets de faire une petite parenthèse concernant une autobiographie de ces filles-là, parce qu'on sait que dans plusieurs autobiographies de musiciens, souvent on va dépeindre la liste des célébrités avec lesquelles on a couché. Mais Anne et Nancy Wilson, elles, nous racontent plutôt avec qui elles ont refusé de le faire. Et c'est très drôle. En fait, le ton est très amusant. Je mettrai le lien sur le site Internet du titre exact de la biographie en tant que telle. Mais bref, les sœurs Wilson ont, avec raison, toujours insisté pour être perçues comme étant des musiciennes d'abord et avant tout, au même titre que leurs collègues masculins. Plutôt que des simples poupées qui enregistrent des chansons. Et bon, du fait qu'elles étaient des femmes, Art à la fin des années 70, à peu près. Parce qu'il n'y avait pas énormément de femmes à la fin des années 70, plus aux années 80 qui ont vraiment plus commencé à émerger. Oui, tout à fait. Puis donc, elles étaient des femmes à la fin des années 70. C'est juste ça que je voulais dire. Et elles étaient aussi des pionnières du fait qu'elles étaient des femmes à cette époque-là. Bien qu'elles étaient très attirantes, elles n'ont jamais eu à vendre leur sexualité parce que d'autres l'ont fait pour elles, évidemment. Si les femmes sont exclues du rock, mais qu'elles sont en même temps célébrées, qu'est-ce que les femmes font dans le rock? C'est quoi leur rôle symbolique? Ton expérience, peut-être, Caro? Ben, j'aimerais juste faire une petite parenthèse sur le fait qu'étant moi-même guitariste... Oui. Désolée, c'est mon rhume qui tente de sortir par tous mes orifices. Bref, étant moi-même guitariste, dis-je, je compte pas les fois où j'ai reçu des commentaires comme « Aïe, aïe, tu joues comme un gars » ou encore « Hey, t'es donc bien bonne pour une fille » comme si cette aptitude-là était normale chez un homme et exceptionnelle chez une femme, tu sais. Je ris, excusez. Mais bref, à mon avis, il y a des guitaristes d'exception, autant chez les hommes que chez les femmes, comme il y en a de très ordinaires. Comme c'est appris dans les deux cas aussi. Pardon? Les gars ne naissent pas guitaristes. Non. C'est un peu ça t'impliquer. Oui, exactement. Puis bon, c'est clair que, je vais l'admettre, ça peut être un avantage pour progresser dans une carrière musicale, parce que c'est plus facile d'obtenir de l'attention. Mais ça aide pas, par exemple, le sentiment de l'imposteur. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Personnellement, en tout cas, moi, j'aimerais mille fois mieux être perçue légitimement comme une bonne musicienne, point, et non comme une bonne musicienne pour une fille. Ouais. On a parlé tout à l'heure de Nancy Wilson, mais je pense aussi, entre autres, à Orianti Panagaris, qu'on entend actuellement en background. Bref, elle s'en vient. Et qui était la guitariste solo pour la tournée This Is It de Michael Jackson. Bon, je pense à Kim Deal, qui est une excellente bassiste pour les Pixies, et bon, combien d'autres. Elle me fait penser, Michael Jackson, il a embauché une guitariste à la fin des années 80 qui s'appelait Jennifer Batten, et j'ai déjà lu quelque chose à son propos. En fait, c'était à la même époque que tous les hair metal, les groupes de hair metal, voilà. Et elle-même était affublée comme avec du spray net, puis elle avait les mêmes vêtements que les gars de hair metal portaient, soit de la lingerie féminine. Ok, je te vois venir. Puis là, elle se faisait poser des questions comme, mais t'es obligé d'être un gars là. Évidemment. Mais bon, puis y a pas que des guitaristes aussi, hein. Savais-tu toi, par exemple, que Aretha Franklin, qu'on connaît pour sa voix exceptionnelle, est aussi une très très bonne pianiste? Ben, je l'ai su comme hier parce que j'ai regardé un bout à Musimax, mais sinon je ne le savais pas. Ben, parlant de bonne musicienne, en fait, c'est de ça dont on parle depuis le début. Mais allons en musique encore une fois avec une pièce très très blues de Bonnie Raitt qui s'appelle Love Me Like a Man. Moi, je suis super contente parce que j'ai entendu en fait plein de femmes rockées et bluesées aujourd'hui. Ah oui? Mais habituellement, le rôle réservé aux femmes, quand je parlais de rôle symbolique, habituellement, c'est la groupie ou l'aidante, ou les deux en même temps. D'ailleurs, dans le film de Cameron Crowe, Almost Famous, les groupies se nomment des band-aid. Des plasters! Des diachylons, mais aussi comme des aidantes de groupe, finalement. Ouais. Une femme qui regarde, une femme qui admire, qui met en valeur la masculinité débauchée, la masculinité éplorée, on pense à Weezer ici, la masculinité dandy, David Bowie. C'est une bonne femme dans le monde du rock. Celles qui dérogent un peu sont moins bonnes, mais sont bonnes dans nos cœurs. Ah, voilà. D'ailleurs, enfin, une chose importante, on a été dénonciatrice dans l'épisode d'aujourd'hui, et pas mal négative parfois, mais je veux rappeler quelques affaires vraiment positives et vraiment le fun. Premièrement, les femmes rockeuses, elles existent, ces femmes dans le rock. Oh yeah! Yes! On a même eu de la misère, en fait, à choisir des extraits pour l'émission. C'était un beau problème, on peut dire c'est ça. C'est vrai, ça. On avait vraiment plusieurs noms qu'on voulait mettre. Une expression comme « les femmes dans le rock », oui, ça peut impliquer une exclusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi ça fait réfléchir aux places que prennent les femmes dans le rock, et réfléchir, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai! Yeah! Et finalement, le concept de carnavalisation qu'on a introduit comme renversement temporaire de la hiérarchie sous-entend donc une très grande potentialité de comportement, une très grande liberté. Ça aussi, je trouve ça très... Mon Dieu, c'est rempli d'espoir, c'est très encourageant. Puis vive les femmes dans le rock, finalement. Oh oui! Et j'en profite avant de vous quitter pour vous dire merci. Merci à ceux qui sont venus nous voir au lancement la semaine dernière au Bleury Bar à Vinyl. C'était super agréable. On a maintenant des stickers, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. On a des stickers, puis ils sont beaux, puis ils sentent bon. Alors, encore une fois, vous pouvez vous rendre sur le www.archéologueaupluriel.com. On va mettre en lien les choses dont on a parlé. On va... on va ajouter vous des photos, tout à fait, voilà, comme toujours. Et je vous invite, on a joué un petit jeu au lancement qui était très agréable. Il y a des gens qui nous ont posé des questions auxquelles on a répondu comme on le pouvait. Et d'ailleurs, on va vous revenir sur certaines d'entre elles prochainement. Mais on vous invite à le faire encore dans l'avenir parce que c'est super stimulant pour nous, c'est très agréable et ça teste en même temps nos connaissances. Donc, gênez-vous pas là-dessus. Et le prochain épisode, on va faire une autre première partie, ça va être musique et politique. Première partie, je suis toute excitée. Ça va faire mal. Alors, bonne semaine, amusez-vous bien et soyez des nôtres dans deux semaines. Au revoir, Caroline. Au revoir, Hélène.